J'ai eu beaucoup de mal à trouver un garage convenable. Je croyais pouvoir faire confiance au garagiste qui m'avait vendu la voiture. Il m'avait fait bonne impression. Mais un jour, il m'a trompé. Il m'a fait payer une réparation qu'il n'avait pas faite. J'ai été très déçu et naturellement, j'ai changé de garage. Depuis, j'ai fait tous les garages du quartier. J'ai enfin trouvé un garagiste que je crois honnête. Je lui fais faire tout ce qui est à faire. Je lui fais même nettoyer la voiture quand elle en a besoin.